Grâce à la lutte héroïque des scientifiques et des techniciens du secteur cosmologique qui s'efforcent de porter à un stade plus élevé la technique du pays des usages pacifiques de l'espace, selon le grand dessein de notre parti pour l'édification d'une puissance cosmique, a eu lieu avec succès l'essai d'éjection au point fixe du moteur de grande puissance fabriqué pour la première fois dans notre pays pour la fusée transporteuse des satellites stationnaires. Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a visité la station de lancement des satellites Sohae et dirigé l'essai d'éjection au point fixe du moteur de grande puissance de type nouveau pour la fusée transporteuse du satellite stationnaire, moteur monolithique, dont la poussée propulsive est de 80 tonnes poids. L'objectif de l'essai est de vérifier définitivement la particularité de combustion dans la chambre de combustion du moteur, la précision de fonctionnement et la fiabilité de structures des SPAP de toutes sortes et des systèmes de commande dans le temps de travail de 200 secondes. Le camarade Kim Jong-un a donné l'ordre de procéder à l'essai. Avec un grand bruit de détonation, le moteur a craché des flammes. L'essai a montré parfaitement que les indices techniques du moteur, y compris la poussée propulsive, ont atteint exactement la valeur préfixée et que les valeurs caractéristiques de tous les systèmes sont stables pendant toute la durée de fonctionnement. Le moteur étant achevé, sans préparer la garantie technoscientifique permettant de fabriquer sûrement la fusée transporteuse du satellite stationnaire dans le délai du plan quinquennal de développement spatial de l'État, et la capacité de transport permettant de lancer au niveau mondial des satellites de toutes sortes, y compris le satellite d'observation de la Terre. Le camarade Kim Jong-un s'est montré très satisfait du résultat de l'essai et appréciait haut l'exploit des cadres, des scientifiques et des techniciens de la Direction d'État de développement spatial qui ont appliqué à merveille dans ces courts délais la tâche donnée par le parti. Il a dit: la technologie et l'industrie spatiale sont un critère important qui permet d'estimer la puissance nationale. Il faut dépenser plus d'efforts pour réaliser le plan quinquennal de développement spatial de l'État et ouvrir une plus large voie à la conquête de l'espace. Développer et utiliser l'espace, c'est l'orientation importante de notre parti et l'affaire principale que l'État doit pousser en permanence. La Direction d'État de développement spatial doit mettre l'accent du développement spatial sur le développement des satellites et fabriquer et lancer beaucoup plus de satellites à divers usages par nos propres forces techniques pour transformer notre pays en possesseur de satellites stationnaires dans quelques années à venir. Grâce à l'application de la ligne du parti en matière de primauté de la technologie cosmique et autres secteurs de technologie de pointe remporte sans cesse des succès prodigieux sans précédent qui étonnent le monde entier, malgré la difficulté de la situation économique du pays. Le camarade Kim Jong-un a recommandé d'accélérer les préparatifs de lancement de satellites sur la base de la réussite à l'essai pour donner la nouvelle d'une plus grande victoire à notre peuple qui compte toujours seulement sur notre parti et qui le suit fidèlement même en se serrant la ceinture à cause des menées de sanctions et d'étouffement des ennemis lâches.